m'entretiens avec un jeune homme natif de Drummondville au Québec qui a décidé de partir à l'aventure et traverser le Canada pour se rendre au Yukon avec ses souliers, pas un sou en poche et en allant voir des francophones sur son passage. Il s'appelle Jim Shab. Salut Jim! Ah ben, salutations, quel bonheur! Je suis dans le nord de l'Ontario présentement. Ça fait du bien de retourner aux sources parce que c'est ici que moi, tout a commencé un peu comme toi. Moi, ça a commencé en terminale CRTQ, Collège Radio-Télévision de Québec, puis le standard Campus Kinsing. Puis c'est là que j'ai découvert qu'en fait, en tant que Québécois, j'avais un peu les yeux fermés sur cette culture-là. Puis depuis des années, la cause qui me vient plus à cœur, c'est de faire briller justement les francophones hors Québec. Puis là, toi, je ne sais pas si c'est parce que tu t'ennuyais chez vous, tu as décidé là, de partir vers le Yukon, de partir de Drummondville. C'était quoi tes motivations là, pour faire cette aventure-là? Ben, en fait, ma stratégie, c'était vraiment de faire briller la francophonie hors Québec. C'était vraiment de faire le tour du Canada en français seulement. Alors, me rendre au Yukon, je peux facilement faire un vidéo, ça c'est côté de l'Alaska, et de visiter chacun des petits villages francophones le long de ma route. Là, t'es parti la semaine passée de Drummondville. Par où t'es passé jusqu'à maintenant? Je suis passé par... les gens lancent des challenges dans chaque ville. Comme par exemple, ici, je suis à Kapuskasing, et le challenge, c'était de pêcher un doré à Kapuskasing. Fait que là, j'ai rencontré un pêcheur qui faisait des hameçons. Puis là, il m'a emmené pêcher. Alors, j'ai pas pogné un doré, mais j'ai pogné un gros brochet de 20 pouces. Puis d'ailleurs, c'est fun parce que souvent, c'est des questions de timing. Puis là, je suis arrivé dans le week-end ici en Ontario aussi, quand on ne peut pas de permis de pêche pour pêcher. Puis là, je regardais ça, la première challenge que tu as eue, c'était à Bromont. Puis, t'as eu une bad luck, hein? T'as deux caméras, puis t'en as brisé une en partant la première journée. Ouais, mais en fait, non, j'ai juste une caméra. L'autre, c'est avec mon iPhone que je filme. Fait que, dans le fond, l'affaire qui est arrivée, c'est que je faisais une montagne. Moi, quand je filme moi-même, je suis un peu un vlogueur. Fait que ma caméra, en fait, c'était des bons freins là, que j'avais. C'était un vélo 2500$ qui m'avait passé, là, par-dessus mon guidon. Puis ma caméra a fait l'effet d'une hache. Top! Évidemment, cassé en deux. Ouais, là, ça part mal, hein? Dès la première journée, t'as-tu réussi à te retrouver, là, une caméra, ouais, là, très mais vite? Ouais, mais comme j'ai pas d'argent, comme je traverse le pays sans argent, en fait, le but, c'est vraiment de traverser le Canada sans argent. Donc, comme la stratégie, c'est ça, ben, il fallait que je fasse des appels à tous sur mes Facebook. Avez-vous des lentilles à me prêter? Avez-vous quelque chose à me prêter? Alors, j'ai réussi à en avoir une autre, finalement. Sain et sauf, parce que, en arrivant vers le nord, là, je suis vraiment vers le nord, puis les magasins de photos, il n'en pleut pas. Alors, finalement, j'ai été sain et sauf, puis j'ai réussi à avoir une caméra. Jusqu'à maintenant, est-ce que les bons Samaritains sont au rendez-vous avec toi? Oui. J'ai vraiment, même que en traversant les frontières, parce que comme la stratégie, c'est de traverser le pays en français seulement pour prouver aux Québécois, hey, les Franco-Ontariens existent aussi. Donc, je suis arrivé à l'auteur de Virginia Town, qui est juste la frontière de l'autre côté du Québec. Puis là, je commence à faire du pouce. Toc! Le premier qui m'embarque, et là, j'arrive là, puis je constate que c'est tous des anglophones. Puis le premier, how are you, buddy? You. Do you speak French? Puis là, il me dit, ah ouais, embarque, tabarnak! En cassant un peu son français, il dit, moi, dans le fond, du côté de ma mère, c'est les Duchesne. Alors, Matt Duchesne, des sénateurs d'Ottawa. Alors, du côté de sa mère, son cousin, c'est Matt Duchesne. Alors, ça veut dire que Matt Duchesne, ben, c'est un franco-ontarien, right? Ben oui! C'est vraiment ça que j'ai appris. Souvent, on se couche moins niaiseux quand on embarque sur le pouce. J'ai appris que Matt Duchesne, c'est un franco-ontarien. Mais comme ils ne parlent pas beaucoup dans leur famille, puis ils ne pratiquent pas beaucoup, mais si vous questionnez Matt Duchesne, vous allez pouvoir lui parler en français. Ça, j'en suis certain. Par quel endroit t'es passé en partant là, de Drummond? J'ai fait Drummondville-Bromont. Après ça, Bromont-Montréal. Montréal-Sainte-Terre, qui est juste en haut de la Abitibi. Fait que je devais faire une pizza là-bas. Il y a un gars qui m'a fait « Hey, je t'ai mis dans le journal de Montréal. Je te paye 20$. » je vais être capable d'avoir d'autres 20$, comme c'est tellement médiatisé mon affaire. Je vais être capable d'avoir d'autres 20$, fait que mon but, c'était de faire une différence dans la vie d'une personne âgée. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai donné ce 20$-là à quelqu'un dans la rue qui ramassait des canettes. Alors, toi, cette journée-là, t'as peut-être pas mangé à cause de ça. Ah, j'ai réussi à avoir mes 3 repas par jour. Ça fait une semaine que je suis parti, puis j'ai toujours réussi à avoir mes 3 repas par jour. Il y a tout le temps des gens dans les communautés qui sont prêts à m'accueillir. La première journée, c'est un peu plus tough parce que je savais plus comment faire du pouce. Fait que là, je marchais, puis là, je cognais aux portes. Pouvez-vous remplir une bouteille d'eau parce que c'est en pleine canicule. Il faisait comme plus 40 degrés quand je suis parti de Drummondville. Fait qu'il fallait que je cogne aux portes, tac, tac, tac. Pouvez-vous remplir une bouteille d'eau? Puis évidemment, le monde ont répondu à l'appel. Là, je regarde ça, je me suis dit, ça va être tough pour Jim, mais là, t'es pas si pire que ça, hein? T'es passé par un spa, tu t'es fait faire un petit massage. En fin de compte, t'as quand même une belle petite vie, là, en montant vers le Yukon. Oh oui, ça a été vraiment le gros luxe. Quand je suis arrivé, justement, le gars qui m'a fait le lift de Montréal jusqu'à Mont-Tremblant, puis il fait « Hey, ma meilleure amie, c'est la propriétaire du spa. » Fait qu'on va la voir, puis un beau massage pendant une heure de temps, dans le spa pendant 3 heures. Puis là, en arrivant à Sainte-Terre, à la BTB, madame a dit « Là, il y a quelqu'un d'autre qui m'écrit sur Facebook, il dit « Hey, moi, je suis propriétaire d'un salon de massage à 10 minutes à pied. Tu viendras faire ton tour. » Ben, j'ai fait « Ok, j'abuserai pas, là, deux massages dans une journée. » C'est un peu trop abusé. Est-ce qu'ils ont guéri ta petite ampoule que t'as faite? Oui, parce que comme je suis parti en pleine canicule, vraiment, il faisait chaud, puis c'est humide, ça, dans les petits bocaux, fait que je vais faire toute une ampoule, alors, sinon, ça a l'air niaisant. C'est un détail que je n'avais tout simplement pas pensé. Alors, j'ai gagné des parts chez les gens, puis ils m'ont donné des diachidons, là. Puis là, jusqu'à maintenant, bon, ça va quand même plutôt bien, mais c'est quoi tu redoutes le plus là, dans la traversée là, que tu fais là, jusqu'au Yukon? Moi, la partie que je redoute le plus, je pense que en Colombie-Britannique peut-être, ou à moins que je parte de l'Alberta pour monter vers les territoires du Nord-Ouest. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de troqueurs qui me disent que, oui, c'est facile de traverser coast to coast du Québec jusqu'à Vancouver. Mais, tu sais, le monde, ils font tout, là, jusqu'à Vancouver, c'est en pleine ligne droite, là, c'est super facile. Et en plus, je suis sur la Highway 11 right now, fait que ça se fait super facile. Mais c'est de monter vers le nord, monter vers le Yukon. C'est pas grand monde qui le font, là. Puis là, moi, je me disais, là, probablement que quand tu vas être plus dans le nord, dans des territoires boisés, il va falloir que tu finisses par coucher à la belle étoile et peut-être que tu sortes une canne à pêche faite à la main ou une hache quelconque pour te trouver à manger. Ouais, à date, j'ai vraiment été chanceux, là, de ne pas l'avoir fait, là. Mais il faut vraiment que tu sois... En fait, c'est un peu l'instinct de survie, là. C'est un peu comme l'instinct de survie parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas de cellulaire. Donc, si, mettons, m'est arrivé quelque chose sur la route, ben, là, je t'appelle, justement, je suis du téléphone de la maison où c'est que je suis présentement. Donc, si m'est arrivé quelque chose, j'ai pas de téléphone pour avertir qui que ce soit. Fait que ça ajoute un peu au challenge. Avant de partir, est-ce que tu as pris des cours de survie en forêt, des cours quelconques là, pour être sûr de bien te débrouiller si jamais il devait t'arriver un pépin? Non, parce que moi, je fais confiance à l'être humain. Je pense que c'est pas comme qu'on voit dans tous les médias du monde que c'est des guerres, les êtres humains sont vraiment des bons vivants. Puis je pense que le but, c'est de mettre à l'avant-plan leurs histoires. Puis je pense pas que je vais avoir besoin de cours de survie. Je suis pas un ancien scout, je suis pas un ancien. Moi, je suis un gars qui est très très sociable dans la vie, fait que je pense que je vais utiliser cette compétence là pour m'amener plus loin. Là. Au moins, tu finiras peut-être pas comme Gilligan et le capitaine sur une île perdue. Peut-être, qui sait, je suis vraiment sur l'île Manitoulin, hein, en Ontario. Ouais, on sait jamais. Puis, c'est quoi t'aurais envie de dire là, aux gens qui ont envie là, d'entreprendre là, une aventure comme la tienne, de partir là, pratiquement avec rien et traverser le Canada? Je dis souvent « do it now » parce que on dit souvent il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de personnes qui disent « attendons la retraite avant de réaliser nos rêves ». Tu n'as travaillé toute ta vie, moi, faites quelque chose dans la vie qui vous passionne. Il faut que tu aies le goût de te lever le matin puis de faire un travail qui t'aime, faire quelque chose qui te passionne puis qui te donne le goût d'avancer parce que travailler pour travailler... Je sais pas si ça en vaut réellement la peine. Il faut vraiment que, tu sais, finalement, au bout du compte, là, parce que tu travailles juste pour l'argent, mais l'argent, à la fin, ne suit pas le corbillard. C'est certain, puis on le voit aussi, il y a beaucoup de gens qui travaillent soit dans les usines ou à d'autres endroits qui se lèvent pour la paye. Moi-même, pendant 16 ans, j'ai travaillé dans des usines, puis ça a été souvent ça. Puis aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait le CRTQ, d'être ici, de te parler en ce moment, parce que à chaque matin, j'ai toujours hâte d'arriver ici et de faire de la radio. C'est un peu comme toi, c'est un peu aussi comme les gens là, qui veulent faire n'importe quelle activité, partir en voyage, vivez vos rêves comme tu le disais. Oui, exactement. Puis moi, même que dans les deux derniers mois, là, j'étais vraiment dans une période très, très noire. En fait, c'est que j'ai juste de me faire dire non par un producteur pour avoir cette série. Puis j'étais vraiment dans une période qui était très noire, j'avais même plus aucune motivation, j'avais plus aucune aspiration. Puis pour moi, juste de faire mon lit, j'arrivais même pas à sortir du lit. Finalement, j'ai fait garde. J'aime mieux partir à l'aventure puis au moins avoir accompli quelque chose dans ma vie. Et ce rêve-là, ça faisait des années que je rêvais de faire briller les communautés francophones hors Québec. Mais il faut dire que là, jusqu'à maintenant, tu le fais super bien. Moi, je te suis à tous les jours. Puis il y en a beaucoup aussi là, qui te suivent, qui t'envoient des textes. Puis les gens sont au rendez-vous. Si on veut te suivre, Jim Schaab, avec ton aventure, on fait comment? Jim Schaab, J-I-M-C-H-A-B sur Facebook. J-I-M-C-H-A-B sur Facebook, vous pouvez me retrouver là. Si jamais vous avez des gens que vous connaissez et qui habitent dans l'Ouest... Là, je me dirige tout droit vers, après Kapuskasing, je me dirige vers Dryden. Alors, si vous avez des gens qui, des petits villages francophones sur cette route-là, si vous connaissez des gens, ben, écrivez-moi, puis vous pouvez me proposer des challenges. OK, j'aimerais ça que tu ailles faire du surf à Tofino. Je vais me faire un plaisir d'aller relever ces épreuves-là. Ah oui, puis aussi, là, bon, là, c'est quoi tes prochaines destinations, là, après Kapuskasing? Tu t'en vas vers l'ouest, c'est quoi ton itinéraire? Je me dirige tout droit vers Winnipeg, alors je vais faire un arrêt par Dryden, parce que, en fait, c'est comme, en fait, j'ai débuté mon tour du Canada, puis je connaissais personne dans ces communautés-là. Alors, le but, il y a toujours quelqu'un, à un moment donné, tu vas rencontrer quelqu'un, tu le pousses, puis il dit, OK, hey, moi, je connais quelqu'un dans la communauté voisine à Dryden. Fait que là, je me dirige toujours vers Dryden. Après Dryden, je me dirige à Saint-Pierre-Joly, un petit village francophone au Manitoba. Saint-Pierre-Joly, dans le fond, un petit village qui est reconnu pour son festival qui s'appelle les Folies Grenouilles. Alors là, je vais aller faire la tradition qui est pendant ce festival-là, c'est de faire des courses de grenouilles. Alors c'est ça que je vais aller faire pour ma prochaine étape. Saint-Pierre-Joly, qui est un petit village à peut-être une heure de Winnipeg. Là. Tu donnes jusqu'à quel moment là, de ton aventure? Tu dis là, c'est fini, que je sois arrivé ou pas? Vraiment, il n'y a pas vraiment de deadline. Je pense que je peux faire ça encore pendant... Non, je pense pas qu'il y a de deadline, mais moi, je visualise aussi que j'arrive en septembre. Comme ça m'a pris peut-être une semaine pour me rendre jusqu'à Kapuskasing, parcourir 1000 kilomètres. Puis quand tu fais des maths vite, là, c'est 8000 kilomètres, tu seras au Yukon, donc à peu près 8 semaines, là. Ouais, fait que là, si tout va bien, c'est 8 semaines, sinon peut-être jusqu'à septembre. Mi-septembre, puis non plus, faut pas qu'il fasse trop froid parce qu'arrivé au Yukon, moi j'ai pas manteau d'hiver, je pars en pleine canicule, puis je voyage juste avec un petit sac à dos. Donc faut pas qu'il fasse trop froid là quand je vais arriver là-bas. Là. Jim Schaab, on peut te suivre avec Jim Schaab sur YouTube pour ton aventure. Ouais, allez subscribe à ma chaîne YouTube. Il y a déjà 3 épisodes de disponibles. Et là, il y en a une 4e qui s'en vient, mon arrivée en Ontario. Alors, vous allez vraiment voir, c'est assez comique quand je traverse la frontière du Québec. On vient de parler avec Jeep Shab, qui tente de se rendre au Yukon à pied avec pas un sou en poche et le strict minimum. Jim, on te souhaite bonne chance pour le reste de l'aventure et reviens-nous en un morceau. Yes, sir, un réel plaisir. Salutations. Merci, salut. Ciao, ciao.